vie, je date pas. Tu as d'idées que mon frère aujourd'hui, ça fait 18 mais mon volant des plaquettes. J'y peux rien, je crois. Nos cerveaux sont frappés d'hémorragie. Voilà pourquoi j'utilise des mots magiques. Tel que TH, ses parents est proche. Mais avant ça, je suis passé par le tap d'un cagoulé dans l'entend. Ramasse des nids loin, le train prince des juste un mec qui reste au pédale. Avec des principes. Microphone, j'continue à rappeler même si je vois les mecs en microstone. T'inquiète dans la halle, c'est juste un freestyle de taille. Toujours opérationnel pour des tailles. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. C'est le retour phénoménal de l'homme qu'on appelle Famas. T'es qui pendant mon phénoménal, moi je n'ai pas sceptique. La route du rap est un chemin semé d'embûches. Mais sans plus qu'à pour moi, cela reste une passion. Comme c'est comme fan de l'Undertaker. La seule différence est dans ce qui croit la douleur des cœurs. Tous soudés, mais prêts à ce qu'il part derrière. Une asthénie de plus qui ne sera pas la terre. Quand je t'achèterai, je m'attrai, m'emporterai à mes assises. L'entrée de mon passé, mes refrains, je me battrai. Oh oh, je me battrai. Le sens de putain, ça m'en sera pour un amour. T'en aimeras pas comme un voisin, ma thèse, tu peux fier. Cette thèse est stupéfiante. C'est Jésus qui va démontrer, te montrer que le bitch fait ton plein dans qu'essaye de compter. Ça se passe vite, on va vite, voilà pourquoi je dis. Dis-toi tactique de ma critique, gravité, ça fait le sens textuel. T'as compris que j'avais même un geste. Wow! C'est freestyle, ouais, yeah. T'inquiète, Al, du 6, 8 au 9, 3. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Yeah! Reggae music. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, écoutez mes loups à scène. Casse les couilles avec leur basse là.